Jaco, prends ta musette. Du Noël, bel enfant, nous te bercerons tout doux. Oui, du Noël, bel enfant, nous le bercerons gaiement. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya. Marie-Pierre, prend ton flutio. Toi, Christian, prends ta guimbarde. De Noël, bel enfant, nous te bercerons tout doux. Oui, de Noël, bel enfant, nous le bercerons gaiement. Toing, toing, toing, toing, toing, toing, toing, toing, toing. Toi, Polo, prends ton violon. Toi, Denis, prends tes cuillères. Du Noël, bel enfant, nous te bercerons tout doux. Oui, du Noël, bel enfant, nous le bercerons gaiement. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Toi, Charlotte, prends ton tuba. Anne, prends ta grosse caisse. Du Noël, bel enfant, nous te bercerons tout doux. Oui, du Noël, bel enfant, nous se bercerons gaiement. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Nous allons à Bethléem.